Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, la mort est-elle toujours la plus forte ? Nick et ses amis se rendent sur un circuit pour un week-end afin d'assister à une course automobile. Mais un terrible accident survient, projetant une voiture lancée à 180 km/h dans le public. Tous les spectateurs sont tués. Nick ainsi que 12 autres personnes réussissent à sortir du stade avant la catastrophe grâce à une vision prémonitoire qu'il avait eue. Mais la mort n'accepte pas qu'on lui échappe ainsi et se met en quête des survivants. Il est hyper vieux ce circuit. Je sais pas. Il y a pas de danger, il y a des barrières. Il faut qu'on s'en aille. On risque de mourir. Il va y avoir un accident. Non mais t'es malade. Tu l'as vu avant que ça arrive? On est en vie comme beaucoup d'autres personnes. J'ai toujours ces visions. Je vois comment la prochaine personne va mourir. Quoi? Comment ça, la prochaine personne? Les survivants de l'accident. Et si on n'était pas censé survivre? Qu'est-ce qui va nous arriver? On peut arrêter le processus. Attention! Destination finale 4. Basée sur la recette qui a fonctionné des trois numéros précédents, voici Destination finale en 3D. Un DVD métropolitain.